Et ton petit posé au quartier. Quartier, quartier. Avec un sentiment à la ED. On revenait à la casté. Casté, casté. Y'avait les anciens qui nous formaient. Pour devenir des guerriers. Guerriers, guerriers. Pour avoir une bonne mentalité. On vient tous d'en bas. D'en bas, d'en bas. Mais nos yeux sont fixés là-bas. Là-bas. Avec RG en bas de mon te bat, te bat, te bat. On parle de ceci, on parle de cela, cela, cela. On est aussi muscule dans la VK, VK, VK. Ça pousse, ça pousse, ça pousse comme Barracuda, Barracuda, Barracuda. Je passe mon temps à Sega, Sega, Sega. Comme les petits frérots Gozo et Goma, Goma. Enfant d'immigré, j'suis ces francs que sur le papier, papier, papier. C'est là que j'me suis révélé, que tout a commencé. Bâtiment C, hall 6, tout au sommet. Ça tapait des foot en bas, en bas, en bas, yeah. Avec Lando et Chris, mes rêves. Toujours là pour moi. Les mamans étaient au parc. Au parc, au parc qui est. On était accompagnés des grands. On t'oublie pas, Mirsa. Pas le droit de rentrer tard. Très tard, très tard, yeah. Pas le droit de faire des faces. La maman veillait sur moi. Des courses, des chasses à l'homme. À l'homme, à l'homme, yeah. Avec Emirates, RG, Braco. Ensuite on a dérivé. Au basket on est allé. Passé par les services militaires. On s'est fait allumer. Tous alignés contre le mur. La cime a tiré. Et les clics de Samir. Tous obligés d'y passer. Combat petit contre ancien. Des on a mangé. Personne n'aurait cru que ce jour Samir partirait.